On vient d'écouter quatre nouvelles entrées dans les palmarès de C'est fou cette semaine. Et qu'est-ce qu'on fait quand on écoute quatre nouvelles entrées? Stéphanie Paradis, question numéro 1. Je crois, mon cher Mathieu Plante, qu'on pâme à Rest in Peace. Voici les pièces qui ont quitté les palmarès depuis le précédent palmarès. Hein? Attraper ton cœur. Amour d'amour, qu'est-ce que tu dirais? Amour d'amour, si on s'unissait. Amour d'amour, le vrai, le vrai. Amour toujours, amour à jamais. Amour toujours, amour à jamais. Amour toujours, amour à jamais. Amour toujours, amour à jamais. Toi, moi, toi, moi, toi, moi, nous. Toi, moi, toi, moi, toi, moi, nous. You know that you don't have to. You can just say no. C'était des extraits des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 23 au 29 septembre 2013. On a donc dit au revoir à Haïku de Lila Dissa qui est resté 7 semaines. Mm-hmm. Sonny Duval et Amour d'amour qui a duré 4 semaines. On a Kick It Out de Ballad of El Gudu de Zeus qui est resté 7 semaines. Excuse-moi. Et on a dit Ciao Bye ou Chain Bye. Alice in Chains Bye. You know. Voices, ça a duré seulement 4 semaines. Pour vrai, ça n'a pas fait fureur. Je suis d'accord. Ça laisse un malaise comme ça quand que je veux dessus. C'est plate, c'est 4 semaines, c'est pas bien long. Par contre, les deux premières, Lila Dissa et Sonny Duval, ben, ils ont effectué un retour. Oui, mérité. C'est ça, un retour reflux d'acidité. C'est... Un retour gastrique, c'est dégueulasse. Un retour de boyau, de tuyau, je sais pas. Ah! Je sais pas, plombier. Bref. Craque de fesses? Ouais, bon, pas sûr de celle-là. On efface ça, on laisse faire. On revient dans le temps? Ouais.